Yo, la original cool chat I speak again for the people, them so righteousness, see? Selassie, I Rastafari, bless her. Hey, yeah man, Rastafari. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a des mauvaises ondes. Les humains se désunissent au lieu de se réunir. Je prends comme une odeur de nausée à bonde. Je ne veux pas causer ma tombe. Non, non, avant que je réponde. À toi, toi, Babylone, à ce que tu brûles. La plupart d'entre nous va y laisser des plumes. Les choses avant sauver pourvu que des paroles en l'air qui se consument. La conscience des hommes qui comptent tenir le monopole. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Fils d'esclave, je prends ton corps les stigmates. Arrête, je te détecte, je te surveille d'un œil. Car j'ai envie de m'asseoir à la droite du père. Hier, aujourd'hui et encore hier, encore hier. Mais qu'est-ce qu'il y a, veux-tu me faire comprendre quelque chose? Sache que tu proposes, moi je dispose. Arrête de psychoser, oh oh oh oh. Ne bascule pas les choses. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Jah live every night and day. Tu veux faire passer comme une chose, te voir comme une danseuse. Dans un camp malheureux, être heureux être une chose. Être malheureux, être une autre chose. C'est une autre chose, c'est une autre chose. La vie nous réserve des bonnes surprises. Ton appel a été pour moi une joie de vivre. Malgré tout ce qui se passe, tu te crépasses. Je reste strong, puis quand j'ai envie de vivre, envie de vivre, de vivre. On dit j'ai la vraie richesse spirituelle. Pas envie de passer à la caisse. Quand Jah me blesse, c'est la si elle me blesse. Quand Jah me blesse, pas besoin de très riche de matériel. On dit j'ai la vraie richesse spirituelle. Pas envie de passer à la caisse. Quand Jah me blesse, c'est la si elle me blesse. Quand Jah me blesse. Jah Rastafari. Don't you wanna manage your job? You're original gold. Jah guy speak again for the ghetto. You see, c'est la si elle. No, no.